Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eût divulgué, et qu'Allah l'en eût informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en eut informé, elle dit « Qui t'en a donné nouvelle ?» Il dit « C'est l'Omniscient, le parfaitement connaisseur qui m'en a avisé. »